Et au bout du fil, Guillaume Hébert de l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Bonjour, Guillaume Hébert. Bonjour. Bonjour et bonne année à vous ainsi qu'à l'Institut de recherche et d'information socio-économique l'IRIS. Merci, bonne année à vous aussi. Oui, j'en profite justement pour vous demander d'expliquer à nos auditeurs qui vous êtes, ce que vous faites à l'IRIS et on peut peut-être rappeler un peu ce qu'est l'IRIS dans un premier temps. Oui, bien sûr. L'IRIS, c'est un institut de recherche qui travaille les questions socio-économiques d'un point de vue progressiste. Le but de l'IRIS, c'est vraiment, ça a été de, quand ça a été fondé là en 2000, ça a été de pas laisser le champ libre à tous les think tanks qui existaient déjà et qui avaient pas mal toute la même façon d'aborder l'économie, c'est un point de vue là, néolibéral, néoclassique, là, peu importe comment vous le nommez. Et par think tank, évidemment, ce que j'entends, c'est des instituts de recherche qui vont pas seulement intervenir dans la sphère de la recherche, de la connaissance, de la pensée, mais qui vont aussi intervenir dans le champ des communications. Donc, ils vont donner beaucoup de rayonnement à leurs travaux. Donc, voilà pourquoi l'IRIS est là depuis maintenant 13 ans. Moi, personnellement, l'IRIS, je travaille sur les questions de santé, mais disons que l'IRIS, on est tous très polyvalents et on travaille tous plusieurs dossiers à la fois. Oui, parlons de santé économique plutôt. Oui. Il y a le Centre canadien des politiques alternatives qui a produit son étude, en fait, c'est pas la première fois qu'il produit cette étude, une journée de travail bien remplie, la rémunération des PDG au Canada. On a l'impression, en parcourant cette étude, que pour les PDG des plus grandes entreprises, il n'y a pas eu de récession économique. Si on dressait d'abord un portrait global de la rémunération des grands patrons. Oui, effectivement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit là quand on regarde cette mise à jour annuelle du Centre canadien des politiques alternatives? Donc on s'aperçoit que c'est tout juste en dessous de 8 millions, soit 7,96 millions, la rémunération moyenne des 100 PDG les mieux rémunérés au Canada. Donc c'est le chiffre auquel on parvient cette année. Je veux juste que nos auditeurs aient bien compris. Les 100 oui. patrons les mieux payés au Canada gagnent 7,8 millions en moyenne, ce qui veut dire qu'ils gagnent plus que ça. Certains gagnent moins, d'autres gagnent plus, c'est ça? C'est ça, ça dépend lesquels. On a une moyenne qui est un peu faussée par le fait qu'il y a quelques... oui, c'est ça. Vous l'avez dit, donc en moyenne. Ça veut dire que le premier va gagner là près de 50 millions et que il y en a tout un nombre là qui vont gagner plutôt proche de 7 millions et donc voilà, 8 millions est représentatif là la moyenne de ces 100 personnes, les 100 mieux rémunérés. C'est quand même pas rien 7 millions. Donc c'est le premier aspect qu'on trouve dans cette étude. Oui, exactement. Et pour l'illustrer, ce que le CCPA fait année après année, c'est de calculer à quel moment est-ce que, quand on gagne un revenu comme celui-là, là, près de 8 millions, à quel moment est-ce que on va avoir gagné dans l'année le revenu moyen d'un travailleur au Canada. Et cette année, à quel moment est-ce qu'on parvient? Bien, c'est à 13h11, le 2 janvier, donc lors de la première journée officielle de travail. Donc, on suppose que le 1er janvier, c'est une journée fériée, donc on la compte pas. Donc, on parle de 2 janvier et à 13h11, on s'aperçoit que ces PDG-là au Canada ont gagné ce qu'un travailleur moyen au Canada va avoir gagné pendant toute l'année. Donc, c'est dans le fond, c'est une demi-journée de travail qui aura suffi à ces personnes-là pour avoir empoché de ce que la plupart des gens empochent dans une année au complet. C'est-à-dire salaire moyen canadien autour de 50 000? On le calcule à 47 000 $. Ouais, donc c'est quand même assez élevé comparé au Canadien, donc c'est un peu plus élevé qu'au Canada. Alors ça, oui, c'est ça. Il serait plus tôt dans la journée si on prenait juste le Québec, c'est ça que je comprends. Oui, exactement. On serait un peu plus tôt. Ben là, en fait, si on compare au PDG québécois, on en a quand même un peu moins que la tendance. Le numéro un au Québec là cette année, c'est Pierre-Carl Péladeau, qui se classe en 32e position avec 8,3 millions cette année. Le salaire moyen du reste de la population a augmenté en moyenne, là, j'ai lu un peu l'étude aussi, en moyenne de 6% depuis 1998. Dans le cas des 100 PDG les plus rémunérés, c'est plus de 73% d'augmentation. Comment c'est possible, ça? C'est la croissance des inégalités. Hein. Il y a deux éléments importants là qu'il faut voir là-dedans. D'abord, c'est ça, cette croissance-là dont on parle beaucoup, on parle de plus en plus. Là, c'est les façons là, vraiment de l'illustrer, de le calculer. Et il y a la question de ce que vous avez mentionné aussi sur la crise. Hein. Ce que ça montre, c'est que la crise n'a pas du tout ou a très peu affecté ultimement le revenu des très riches. On a parlé beaucoup pendant la crise de 1%, ou dans ce cas-ci, on fait référence à des gens qui sont tous dans le 0,1% des plus riches. Donc, on voit que cette crise-là, finalement, n'aura pas renversé les tendances aux excès qu'on a vues là, dans les années 90 et de plus en plus dans les années 2000. Donc, effectivement, c'est une note importante. Comment est-ce qu'on peut se retrouver avec tout ça? Qu'est-ce qu'on a fait exactement? Évidemment, on a laissé la finance prendre de plus en plus de liberté. On a dérégulé le monde de la finance de façon à lui permettre là, ce qu'on appellerait une hypertrophie, c'est-à-dire de prendre là, une ampleur et de prendre des risques dans la construction de nouveaux produits financiers. Donc, on a vu la fameuse explosion des subprimes, mais tout ça, c'est un symptôme de quelque chose qui est beaucoup plus gros en termes d'activité dans la sphère économique et financière. Ensuite, évidemment, quelque chose comme la baisse des impôts, hein, il ne faut pas le perdre de vue. L'impôt, ça demeure le meilleur outil de redistribution dans une société. Donc, quand on réduit les impôts comme on le fait là depuis une quinzaine d'années, on le fait pour les particuliers, on le fait pour l'entreprise, l'impôt des sociétés aussi. Donc, on finit par réduire nos capacités à redistribuer la richesse. Donc, on se retrouve avec des phénomènes comme celui-ci de croissance, des inégalités. On se retrouve avec des chiffres qui sont absolument astronomiques et un écart là que des fois on a du mal à imaginer. C'est la part intéressante d'un travail comme celui-ci qui va calculer là l'effet de qu'est-ce que ça veut dire dans une année de travail. L'étude d'aujourd'hui. Oui, en fait, c'est qu'ils ont eu cette intelligence aussi, cette idée brillante de comparer avec le salaire moyen et d'indiquer à quel moment dans l'année, finalement, les grands patrons en moyenne ont gagné plus que ceux qui gagnent le salaire moyen. Là, si je comprends bien, les grandes entreprises paient moins d'impôts et donc elles peuvent donner davantage de rémunération à leurs grands patrons, c'est-à-dire que les actionnaires acceptent finalement que les grands patrons soient mieux rémunérés, c'est ça que je comprends? Oui. Oui, ils acceptent, mais de moins en moins. Il y a présentement un mouvement qu'on appelle de l'activisme actionnarial qui s'est développé dans les dernières années. Qu'est-ce que font ces gens-là? Ben, c'est qu'ils vont demander de plus en plus à avoir un mot à dire sur la rémunération des hauts dirigeants. Ils vont demander souvent d'avoir un droit de veto ou vont demander de pouvoir là voter là directement sur la rémunération. Donc on garde une section là particulière de l'Assemblée des actionnaires sur ce thème-là. Donc c'est quelque chose qui est en train de se développer présentement. Et donc ça montre qu'il y a peut-être peut-être une nouvelle étape dans cette espèce de lutte traditionnelle qu'il y a toujours entre les actionnaires et les dirigeants d'une entreprise. C'est toujours une espèce de rapport de force qui s'exerce. Et là, ben, on va peut-être passer dans une autre étape. Je le dis, est-ce que tout ça va changer fondamentalement les tendances à l'augmentation des inégalités? Ben non, c'est pas là que ça va jouer. Parce que jusqu'à présent, on voit qu'elles ont plutôt tendance à se creuser. C'est ça que je crois. Oui, elles se creusent. D'ailleurs, si on veut donner des chiffres maintenant, là, donc c'est 171 fois ce que gagnent les 100 PDG les mieux payés. Donc c'est 171 fois le salaire moyen au Canada. C'est très important de le comparer avec ce que c'était en 98, où c'était 105 fois le salaire moyen de les employés. Donc on voit une augmentation là très importante. Si on compare le revenu de ces PDG-là, des 100 PDG les mieux payés au salaire des femmes, ben l'écart est évidemment encore plus élevé. Donc on atteint 194 fois le salaire des femmes. Si on regarde la situation des femmes sous un autre angle, c'est-à-dire il y en a combien des femmes dans ce top 100 des PDG? Ben il y en a seulement 3. Donc c'est 97% d'hommes dans ce cas-là. Ces écarts-là, qu'est-ce que ça veut dire 171 fois? C'est quoi la norme? Dans le passé, on avait tendance là au moment du du développement du capitalisme fordiste là, qu'on appelait dans l'après-guerre, ces choses-là, on avait tendance à évoquer le 10 pour 1 là, à peu près comme un ratio qui est raisonnable pour un chef d'entreprise. Donc un chef d'entreprise devait gagner 10 fois à peu près le salaire de ses employés pour qu'il soit considéré raisonnable. Donc à 171 fois, on est rendu assez loin. C'est complètement fou. Et d'ailleurs, peut-être un mot là-dessus, parce qu'en Suisse, se sont dit pourquoi, parce que vous savez, on a ces fameux référendums populaires là, en Suisse qui sont appelés par la population. Donc il y a eu une proposition cette année de mettre une limite comme ça sur le salaire des PDG. Et la proposition, c'était d'avoir une limite à 12 fois le salaire des salariés. Et bon, finalement, le référendum n'a pas... finalement, c'est pas la proposition n'a pas remporté le référendum. Donc, ça n'a pas passé, là, comme on dit. Mais on voit que les idées sont dans l'air, à ce niveau-là. Ça serait plus raisonnable, effectivement. Il y a un aspect qui est un peu controversé ces temps-ci. C'est toute la question des régimes de retraite. Bon, je pense que les PDG sont pas mal pourvus de ce côté-là, mais il y a quelque chose dans l'étude qui est à souligner en ce qui concerne les régimes de retraite des grands PDG, si j'ai bien compris. Ben, essentiellement, c'est une question de méthodologie et de clarté des données dans ce cas-ci, hein, parce que c'est des parties là de la recherche qu'il faut travailler un peu plus, c'est aller chercher de l'information complète. Hein, parce qu'on peut pas l'avoir? Ben pas toujours, parce que vous savez que ce qu'on va prendre quand on veut prendre la rémunération totale, ben, on va prendre le salaire, on va prendre les primes, on va prendre les actions, on va prendre les options d'action, on va prendre l'accroissement de la valeur du régime de retraite et aussi d'autres avantages. Donc il y a certaines choses qui sont pas présentées clairement dans les rapports des entreprises. Là, même en bourse, particulièrement des entreprises au TSX à Toronto. Oui. Et en théorie, on a des obligations là de divulgation d'informations qui sont très précises et très importantes. Donc, dans certains cas, comme les régimes de retraite, on n'a pas l'information toujours très claire. Donc, il faut comprendre que dans plusieurs cas, là, c'est des évaluations encore là conservatrices, les revenus qui ont été calculés. Et pour indiquer là comment ça peut avoir un impact important, le cas d'Alain Bouchamp, le PDG de Couchetard, qui se retrouve aussi dans le classement cette année en 43e position, là, ce serait le deuxième Québécois après Pierre Calderado. Ben, Alain Bouchamp, lui, bon, quand on a vu les chiffres de sa rémunération pour 2012, ben là, il était, en fait, ça donne une idée des proportions. On avait un revenu qui se situe autour du 7 millions de dollars, là, un peu au-dessus de 7 millions. Et en fait, là-dessus, il y avait 3 millions qui venaient de la cotisation là, pour la retraite de M. Bouchard. Donc, on voit que c'est une part là, du revenu qui peut être quand même considérable. Oui, c'est énorme. Ça veut dire que son entreprise mettait 3 millions chaque année pour lui de côté pour sa retraite, c'est ça? En 2012, comme tel. Ouais. C'est en augmentation cette année-là pour M. Bouchard. Là, on verra les chiffres pour 2013, voir si... Ouais. Donc, les chiffres sont peut-être, disons, plus faibles qu'ils révèlent réellement. Peut-être qu'ils ont même encore gagné davantage, les grands patrons, c'est ça que Oui, sur ce point de vue-là, on aurait des évaluations conservatrices. Oui. On a évoqué rapidement la rémunération sous forme d'options d'achat d'actions. Il semble y avoir de nouvelles règles qui faussent quelque peu la donne, si j'ai bien compris, en ce qui concerne les options d'achat d'actions. Elles sont sous-évaluées? Les options d'achat, c'est une nouvelle tendance. Maintenant, en fait, ça vient des États-Unis où on essaie de rendre plus clair la divulgation de cette dimension-là de la rémunération. Donc là, je pense que ça vaut pas la peine de rentrer dans le détail technique de ce que c'est, mais sur ce volet-là, ça pourrait être même éventuellement un peu plus clair. Il faut peut-être rappeler la dimension de base là, de l'option, parce que peu importe ce qu'on retrouve dans le classement, ce qui est important, est-ce que les gens doivent garder à l'esprit, et ce qui devrait être beaucoup plus connu, à mon sens, c'est la dynamique, ce qu'on appelle le traitement fiscal des options, des options. Ouais. Parce que quand on parle d'un, donc, pour résumer, là, quand on parle d'un dollar de salaire que monsieur, madame, tout le monde va recevoir, ben, ça correspond à un dollar de revenu, hein, donc pour, aux yeux de l'impôt. Quand on parle d'un gain en capital, un dollar de gain en capital, ben, ça va être perçu comme 50 sous seulement de revenu imposable aux yeux de l'impôt. Qu'est-ce que c'est un gain en capital? Ben, c'est ce que vous nous, va nous permettre éventuellement de réaliser une option d'achat ou les options comme telles, hein, parce que une bonne part de la rémunération, c'est aussi sous forme d'action tout court. Donc, quand il y a un gain qui est réalisé de ce côté-là, ben, on va considérer que ce gain-là n'a pas été pleinement imposé. Et donc, on voit que ces outils-là, là, les déductions d'impôts là, pour gain en capital, ça va être utilisé là, très, très forte majorité par des revenus là, les, qui se concentrent là, dans le 10% des mieux des plus gros revenus dans la société. Donc c'est un, on se demande pourquoi, hein, pourquoi est-ce qu'on n'imposerait pas les revenus en gains capital de la même façon que les gains en salaire. Oui, tout à fait. L'argument traditionnel, ça a été de dire ben, il faut susciter, il faut pas trop taxer la richesse pour que les gens viennent davantage, etc., etc. Oui. Là, ce type d'argument-là, ce que nous a fait faire, ben, c'est laisser croître des inégalités très fortes. Ce que ça nous a fait faire aussi, c'est nous faire maintenant des déficits budgétaires. Ça nous a même fait faire des crises économiques, là, si on projette ces dépenses-là qui ont été utilisées souvent pour faire des instruments financiers là, qui n'ont pas d'allure. Donc ça serait, je pense que l'heure est venue de remettre en question ce type de procédé-là où on fait des faveurs comme ça. Oui, d'autant plus qu'on avait, on en avait discuté avec votre collègue Francis Fortin. Finalement, ça va même pas dans l'investissement qui procure de l'emploi. Ces déductions fiscales-là, ces revenus, disons, plus grands pour les en espérant que ces gens-là deviennent des investisseurs, mais ils réinvestissent dans le système financier. C'est ça que je comprends. Absolument. On le voit surtout du côté des entreprises, du côté des sociétés. Donc, l'impôt des sociétés, ça a été le grand pari de Stephen Harper. C'est peut-être un de ses plus grands échecs, mais qui est absolument pas, mis de l'avant, là, qui est pas médiatisé parce qu'on a souvent affaire, bon, à des thèmes qui sont plus arides des fois, mais c'est, ouais. Vous avez tout à fait raison. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à Harper avec l'impôt des sociétés? Ce qu'il a fait, c'est faire passer l'impôt de 28 à 15%. À peu près, donc c'est une baisse d'impôt qui est absolument majeure. Là. C'est une baisse qui est vraiment très, très, très importante depuis son arrivée au pouvoir. Et le pari de Harper et donc du gouvernement conservateur, c'est-à-dire tout ça, ça va stimuler l'économie, ça va se traduire par des investissements, les entreprises ont les mains libres pour investir, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on a vu? Ben, c'est exactement le contraire qui s'est produit. On n'a jamais eu des entreprises qui accumulent autant de liquidités. Elles amassent des liquidités colossales, des piles de liquidités. Pendant ce temps-là, c'est les consommateurs qui s'endettent et qui font fonctionner l'économie, qui font tourner l'économie. Donc, on se retrouve avec cette situation où on a donné des faveurs aussi grandes, on a contribué comme ça à affaiblir les revenus de l'État, à vider les coffres de l'État, à faire des déficits. Et même du point de vue là, du résultat économique, c'est un fiasco. Donc, vous avez raison de le mentionner et c'est tout à fait dans la même dynamique là de l'obsession de baisser les impôts, de garder les impôts bas, qui a des conséquences qui sont bien pires que les risques là, qu'on évoque au moment là, où on a des propositions d'hausser les impôts. Eh bien, sur ce, merci beaucoup à Guillaume Hébert de cet éclairage. Souhaitons que les gens de plus en plus vont être conscientisés et qu'il va y avoir des mouvements de plus en plus grands pour demander qu'il y ait une meilleure redistribution de la richesse, à commencer par des salaires peut-être un peu moins indécents pour les grands patrons, mais aussi peut-être des meilleurs salaires pour l'ensemble de la population. Tous les chiffres sont là pour le justifier. Merci et au revoir. Merci à vous, bonjour. Au revoir.